encore une fois, tu ne joues pas avec ton micro pour faire ce téléphone, t'es pas drôle. Non, bien. Pour une fois, c'est toi qui fais un effort. Ah. Tu fais chier. Je me roule une trappe vite fait. Vas-y, fais péter. Ah, Manu, oh là là là là là. Je sais pas, Manu, il faut qu'il. Je lui ai déjà dit, soit faut qu'il arrête la coke, soit qu'il arrête le crack, ou je sais pas ce qu'il fume, mais qu'il se mette à la club, quoi. Au moins c'est légal, et c'est bon, quoi. Je sais pas, ou il picole trop, j'en sais rien. Mais il est décalé, Manu. Ce qu'il fait. Thank you.